On commence avec la PS Vita, puisque je ne sais pas si vous aviez vu ça, mais hier, le site Kotaku avait rapporté que les branches européennes et américaines de Sony envisageaient de mettre un terme donc à la production de jeux PlayStation Vita en cartouche d'ici la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire d'ici mars 2019. Interrogé par les médias japonais, dont GameSpark, Sony assure qu'il va encore se passer des choses sur la portable maison, mais surtout au Japon. Vous savez que là-bas, la Vita a quand même sa petite réputation qui va bien. Donc les sorties en boîte vont continuer au Japon, mais justement, c'était lors de cette interview avec les médias japonais que Sony a vraiment confirmé, du coup, que les sorties en boîte au niveau occidental, ça sera terminé d'ici la fin de l'année fiscale. Ça continuera donc pour le Japon, y compris concernant la production de la machine. Fan d'Okami possesseur de Switch, vous qui l'attendiez, sachez que ça y est, la date, bing, est tombée, c'est gravé dans le marbre, mes cocos, c'est le 9 août prochain qu'Okami HD sortira sur Nintendo Switch. D'ailleurs, Switch toujours, Go Vacation va débouler sur la console hybride très prochainement. Alors pour ceux qui l'ignorent, c'était sorti en 2011 sur la Wii, la toute première Wii, et c'était en quelque sorte une réponse de Bandai Namco au célèbre Wii Sport Resort de Nintendo. Alors Wii Sport Resort, c'était la suite du premier Wii Sport. Alors il y avait beaucoup plus d'épreuves, des avatars qui possédaient plus de détails que les adorables Mi. Mais enfin voilà, ça reviendra le 27 juillet, donc c'est toujours un achat sympathique, estival, à s'offrir pour sa Switch. Enfin, Nipponichi a balancé des nouveaux screens sur le net, vous allez voir ça, de Disgaea 1 Complete, donc c'est le remaster du célèbre Tactical RPG du premier épisode de cette saga légendaire du genre. Et je sais que les fans sont très nombreux. Donc c'est confirmé en Occident pour une sortie à l'automne 2018 sur PS4 et Nintendo Switch. Alors, cette version Complete, ce sera l'occasion rêvée déjà de redécouvrir donc ce premier épisode qui était sorti sur PlayStation 2 en 2004. Les joueurs japonais auront la chance de pouvoir tâter de la bête dès le 26 juillet prochain. Alors les graphismes sont un petit peu rehaussés, c'est très beau, alors c'est pas du top technologique, ça reste super beau. Le style de toute façon à l'époque était déjà charmant, je vois pas pourquoi ce serait différent aujourd'hui. Ça a très bien vieilli, enfin il y a quand même un petit lifting graphique, des petites options en plus, bref, de quoi se faire plaisir finalement.